Bien-aimés, je vous dis bonjour. C'est avec plaisir que je vais partager avec vous cette petite exhortation. Parce que ce matin, il était 4 heures du matin lorsque j'étais à genoux en train de prier. L'Esprit m'a mis à cœur ce que je vais vous dire ce matin à propos des plans du diable, les stratégies de l'ennemi contre l'Église. L'Esprit m'a fait savoir que tu as tendance, moi, parce que l'Esprit me parlait, à regarder plus l'estrade pour attaquer les faux hommes de Dieu, ces faux envoyés que Satan a, comment dirais-je, a envoyés dans l'Église. Jésus en parle dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 24, au verset 24. Et Jésus nous dit que ces gens-là viendront. Ils vont faire des miracles, ils vont faire des prodiges. Pas pour le salut des âmes, pour séduire le maximum de personnes. Et nous savons qu'aujourd'hui, ces séducteurs existent. Ils veulent séduire le maximum. C'est pourquoi ils étalent sur Internet des vidéos de séduction. Parce que quand tu verras les gens à terre, quand tu verras les gens tomber, les gens en transe, ça va te séduire et tu n'auras qu'une seule idée, prendre le billet d'avion, prendre le train, prendre ta voiture pour venir le voir. Ce sont des séducteurs. Jésus nous a avertis. C'est la raison même pour... Il y a une sœur qui m'a appelé tout dernièrement. Bien-aimée, prie pour moi. J'ai été voir un homme de Dieu. Mais tous ces derniers jours, je le vois dans les rêves. Il vient coucher avec moi. Il vient dans ma chambre la nuit. Je le vois dans ma chambre la nuit. Bien-aimé, il faut que tu saches qu'il y a des hommes de Dieu sorciers. Il y a des hommes de Dieu sorciers. Ils ne dorment pas la nuit. Il vient dans ta chambre la nuit. Il vient dans ta maison la nuit. C'est la sorcellerie. C'est un sorcier. Ce n'est pas un homme de Dieu. Personne dans la Bible avait témoigné un jour qu'il avait vu Jésus dans sa chambre la nuit. Aucun disciple, personne ne dit qu'un disciple, il a vu un disciple la nuit dans les rêves, un disciple venait coucher avec lui, ou bien un disciple de Jésus est apparu dans sa chambre. Ce n'est pas biblique. Si tu vois quelqu'un qui se dit homme de Dieu, tu le vois dans les rêves, tu le vois dans ta maison la nuit, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Il vient dans la sorcellerie, c'est un sorcier. Un homme de Dieu ne fait pas de la sorcellerie. Si tu vois la personne dans les rêves, dans ta maison, il apparaît dans ta chambre, c'est un sorcier. Ce n'était qu'une parenthèse, ce n'est pas le sujet. En fait, ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin, c'est que Satan envoie des faux à l'estrade, mais il envoie aussi dans l'assemblée. Effectivement, en ce qui me concerne, j'avais beaucoup plus les yeux sur l'estrade, mais pas à l'assemblée. Alors qu'ils sont dans l'assemblée, eux, ceux, les éléments que Satan envoie dans l'assemblée, ils n'ont pas de titre. Il ne s'appelle pas bishop, lui ne s'appelle pas révérend, lui ne dit pas qu'il est général de Dieu. Mais on les appelle frères, sœurs, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Bien aimé, l'apôtre Paul a été confronté à ce genre de faux enfants de Dieu. Il a connu ça, puisqu'il en parle dans le livre de Galates au chapitre 2, du verset 3 au verset 4. Je vais lire le passage. Voici ce que Paul dit. Mais Tite, c'était un frère en Christ, mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Ces faux chrétiens-là n'étaient pas dehors. Ils se sont glissés au milieu des vrais enfants de Dieu. Mais ils n'étaient pas là pour leur salut. Ils semaient du désordre au milieu des enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan envoie des faux hommes de Dieu à l'estrade et des faux frères, des fausses sœurs dans l'assemblée pour attaquer l'œuvre de Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur m'a bien fait comprendre alors que j'étais à genoux en train de prier. Que mon fils ne regarde pas qu'à l'estrade, il envoie aussi dans l'assemblée. Et Paul a été confronté à ça. Bien-aimés, ils sont dans l'assemblée. C'est eux qui sont responsables quand il y a des divisions dans l'assemblée. Ils sont là pour rapporter. Tu te confies à lui, tu crois que c'est un vrai enfant de Dieu. Et puis, à ta grande surprise, tout le monde est au courant. Parfois, le pasteur est au courant. La Bible dit, priez les uns pour les autres. Tu vas le voir, tu lui parles de ton problème, tout le monde est au courant. Ils sont charnels, ce ne sont pas des vrais enfants de Dieu. Même si tous les jours, vous les voyez à l'assemblée, il vient là avec sa Bible, il s'est bien habillé. Ce ne sont pas des vrais. Donc, Satan envoie et à l'estrade des faux hommes de Dieu et dans l'assemblée des faux frères. Paul a connu ça, il en parle dans le livre de Galates. Pourquoi je parle de ça? Je vais prendre un exemple dans la Bible que vous connaissez. Paul, l'homme de Dieu, il va prêcher l'évangile dans une ville appelée Bérée. Tout le monde connaît les chrétiens de Bérée. Paul prêche. Des chrétiens de Bérée qui étaient là, ils ont leur Bible. Ils ont leur Bible. Ils avaient leur Bible, les chrétiens de Bérée. La Bible dit, ce qui sortait de la bouche de Paul, eux, ils vérifiaient dans la Bible si c'est de Dieu. Ils vérifiaient dans la Bible. Ces chrétiens de Bérée, ils n'ont pas fait comme ces faux frères, fausses sœurs qui sont dans l'église aujourd'hui et qui font, excusez-moi du terme des mondains, du Congossa, dans l'église pour détruire parce qu'ils sont charnels. C'est des éléments charnels, ils ne sont pas nés de nouveau. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Paul les a combattus à son époque parce qu'ils sont dans l'assemblée aujourd'hui. Ces faux chrétiens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font pas comme les chrétiens de Bérée. Quand Paul dit quelque chose, le chrétien de Bérée veut savoir si ce que Paul dit là est exact. Il se tourne vers sa Bible pour aller vérifier. Mais ces faux-là qui sont aujourd'hui dans l'église et qui combattent l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Il entend ce que Paul dit. Il prend son téléphone. Allô? Ouais. C'est l'apôtre Pierre? Oui, bien-aimé, excuse-moi. Homme de Dieu, excuse-moi. J'ai entendu... Voilà, j'ai suivi la prédication de Paul à Bérée hier. Il a dit ça. Moi, je ne crois pas trop à ce qu'il a dit là. Frère, qu'est-ce que toi, tu en penses? Apôtre Luc? Oui. Homme de Dieu, c'est toi? Oui. Excuse-moi de te déranger. J'étais hier à l'évangélisation de Paul là. Il a dit un truc là. Moi je crois pas trop. Qu'est-ce que tu en penses, frère? Est-ce que c'est vrai? Aucun chrétien de Bérée ne l'a fait. Mais vous avez des faux frères qui font ça aujourd'hui. Le chrétien de Bérée, c'est un enfant de Dieu. C'est celui-là qui est la vérité. Pierre n'est pas la vérité. Paul n'est pas la vérité. Matthieu n'est pas la vérité. C'est la Bible. C'est la Bible qui est la vérité. C'est la Bible seule qui est la vérité. C'est pourquoi les vrais enfants de Dieu de Bérée, ils n'ont pas été consultés Luc pour savoir, pour que Luc lui dise pourquoi Paul a dit ça. Non, ils sont allés dans la Bible. Le vrai chrétien vient là-dedans. Parce que c'est celui-là qui est la vérité. Mais ces chrétiens charnels, ces faux frères qui sont dans l'église, le Seigneur m'a fait comprendre qu'ils commettent des dégâts au milieu de vous. Parce qu'ils sont charnels, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Mais il faut qu'on sache que Satan envoie des faux à l'estrade et des faux dans l'assemblée. Tu te confies à lui. Et puis du coup, tu es étonné, d'autres personnes sont au courant. Ce sont des éléments charnels. Même si tu le vois à l'assemblée tous les dimanches, vous priez ensemble, vous dansez, gnagnagna. Mais ce sont des faux enfants de Dieu. Donc Satan ne se limite pas qu'à l'estrade, il envoie aussi des faux dans l'assemblée. Et ce sont ces faux-là qui sèment des divisions au milieu des enfants de Dieu. Donc il faut aussi les dénoncer. Il faut les dénoncer. Il va venir t'appeler combien de fois, bien-aimé? Combien de fois? Excusez-moi. Combien de fois des gens sont venus vers moi? Je vous parle devant le Seigneur Jésus, je ne mens pas. Bien-aimé, homme de Dieu, bonjour. Ouais. J'ai suivi une vidéo de Madame Seka. Elle a dit ça. Qu'est-ce que tu en penses, frère? Bien-aimé, bonjour. Oui, c'est le pasteur, t'es dit? Oui, oui, c'est moi. Le pasteur Éloge, tu le connais? Non, je ne le connais pas. Bon, il a dit ça. Hein, moi, je ne crois pas trop là. Hein. Frère, dis-moi, hein, qu'est-ce que toi, tu en penses? Les chrétiens de Béret allaient chercher la vérité dans la Bible. Ils n'ont pas été voir Luc. Luc n'est pas la vérité. Ils n'ont pas été voir Jacques. Jacques n'est pas la vérité. C'est la Bible qui est la vérité. Le vrai enfant de Dieu fouille dans la Bible comme les chrétiens de Béret. Parce que le problème, c'est quoi? Il va appeler Jacques. Mathieu a dit ça. Jacques aussi va dire, ah non, il s'est trompé là. Ça, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il t'a dit là? Et puis la même personne repart. Jacques, Mathieu, mais ce que tu as dit là, frère, c'est pas vrai. Puisque j'ai consulté Jacques hier, il dit que c'est faux. Et ce que tu l'as... Voilà le travail qu'ils font. Ils ne lisent pas la Bible. Le chrétien de Béret n'a pas été consulté ou un autre disciple pour dire, voilà, Paul a dit ça. Il cherchait dans la Bible. Un vrai enfant de Dieu lit la Bible. Ce sont des chrétiens charnels. Combien de fois? Frère, oui, c'est le pasteur qui t'a dit, oui, je te connais par une vidéo de Georges Nama. Oui. Voilà, mais Georges avait dit un truc sur ça, sur les femmes, sur les machins, ceci. Frère, moi je crois pas trop là. Hein? Toi tu penses quoi? J'ai entendu ça plusieurs fois. Oh bien-aimé, bonjour. Le pasteur Marcelo avait prêché un jour, il avait dit ça. Qu'est-ce que toi tu... Les chrétiens de Béret, ils cherchaient la vérité dans la Bible. Parce que ce que tu vas dire là, tu vas aussi aller dire, pasteur Marcelo, bonjour, j'ai consulté un homme de Dieu là, mais il dit que ce que tu avais, c'est le boulot qu'ils font. Le chrétien de Béret a cherché dans la Bible. Le chrétien de Béret savait que Jacques existe. Le chrétien de Béret savait que Luc, il savait qu'il y avait des apôtres. Il n'est pas allé voir Matthieu par rapport à ce qu'il avait entendu de la bouche de Paul. Il n'est pas allé voir l'apôtre Pierre pour, par rapport à ce que Paul avait dit. Il est allé chercher dans la Bible. Un vrai chrétien, quand je prends le métro le matin pour aller au boulot, et que je vois, vous savez à quel point les métros le matin sont bondés de monde. Et je vois des femmes assises, serrées au milieu des gens, la Bible ouverte. La sœur est en train de lire la parole. Quand je vois ça, ça me touche. Il y a des vrais enfants de Dieu. Ils lisent la parole. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Le vrai enfant de Dieu lit la Bible. Et vous allez voir ces chrétiens charnels au quartier. Il a une copine. Il ne lit jamais la Bible. Si c'est un homme, il passe son temps à regarder le sport, les matchs de foot à la télé. Il va jouer au foot avec ses amis. Et vous, tu vas remarquer qu'au quartier, ses potes, c'est des païens. Ses potes sont des païens. Il a sa copine. Il n'a pas le temps pour la Bible, il a le temps pour regarder le sport à la télé, les matchs de foot. Il a le temps pour aller à des soirées. Il a le temps pour aller voir sa copine. Ces chrétiens charnels là. Si c'est une femme, elle passe son temps à regarder, elle n'a pas le temps de lire la Bible. Mais elle a les yeux sur les magazines de prêt-à-porter féminin. Elle regarde les nouvelles chaussures qui viennent d'arriver. Quelles sont les nouvelles robes? Elle a le temps pour ça, mais pas le temps pour jeter un coup d'œil dans la Bible. Elle a le temps pour regarder les films, les séries qu'elle aime. Elle touche la Bible que quand c'est dimanche. Quand après, elle pose la Bible, elle n'en parle. Ce sont des chrétiens charnels. Ils sont tellement charnels qu'au milieu des enfants de Dieu, ils sont là pour commettre des dégâts. Ils rapportent les choses de gauche à droite. Toi, tu crois avoir affaire à une vraie sœur en Christ. Tu te confies à la sœur. Au lieu que la sœur prie pour toi, tout le monde est au courant de ce que tu lui as dit. Parfois, même les gens du quartier sont au courant de ce que tu lui as dit. Mais ils sont dans l'assemblée. Là, il ne s'agit pas des gens qui sont à l'estrade. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'attention, il n'y a pas qu'à l'estrade. Le diable envoie aussi dans l'assemblée. Et l'apôtre Paul a connu ça. Puisqu'il en parle dans Galates chapitre 2. Bien-aimé, Bien-aimé, bonjour. Le pasteur Gédéon, tu le connais? Moi, je ne connais pas tous les hommes de Dieu. Tu le connais? Non, je ne le connais pas. Bon, il avait dit ça dans un séminaire. J'étais là-bas hier. Bon, frère, qu'est-ce que toi, tu en penses? Le chrétien de Béret est allé chercher dans la Bible. Il n'est pas allé voir Timothée. Il n'est pas allé consulter Apollos par rapport à ce que Paul avait dit. Il a cherché la vérité dans la Bible. C'est du Congo, ça, dans la maison de Dieu, parce qu'ils sont charnels. Ils sont là pour ça. Satan les a fait glisser au milieu des enfants de Dieu. L'apôtre Paul dit dans Galates 2, ils se sont glissés parmi nous. Nous aussi, on croit que ce sont des vrais frères, des vraies sœurs en Christ, alors que ce n'est pas le cas. Ils sont charnels. Hein, cette sœur-là, elle ne lit jamais la Bible chez elle. Elles ne sont pas nées de nouveau. Elle a son copain au quartier. Et le copain-là, c'est un païen. Elle a son copain, même si elle vient à l'église dimanche. Elle passe son temps à bien s'habiller. Je dois me faire belle. Mais nous, elle ne lit pas sa Bible chez elle. L'église, c'est un endroit où elle vient montrer la nouvelle paire de chaussures qu'elle a achetée. Où elle vient montrer la nouvelle robe, la nouvelle tenue. Elle se maquille bien là. Pour vouloir vous venir montrer la tenue. Mais chez elle, à la maison, elle n'ouvre jamais la Bible. Jamais. Si c'est un frère, les faux frères, lui, c'est les matchs, c'est le sport, le foot. Il passe son temps à regarder le foot. Il n'a pas le temps d'ouvrir sa Bible. Mais il est prêt à rapporter les choses de gauche à droite. Il est prêt. Oh, frère Luc, bonjour. Mais j'ai entendu Paul, j'étais à Béret hier. J'ai entendu Paul dire un truc. Frère, moi, je ne suis pas d'accord là. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Aucun chrétien de Béret ne l'a fait. Ça, c'est les chrétiens charnels. Si ce que Paul a dit, tu n'es pas convaincu, va chercher dans la Bible. Un vrai chrétien lit la Bible afin qu'il sache si ce que Paul dit est vrai. Le chrétien de Béret n'est pas allé consulter Jacques. Il n'est pas allé voir Luc. Il est allé voir la Bible. Il est allé dans la Bible. Il n'est pas allé vers Matthieu. Ça, c'est des chrétiens charnels. Ils ne lisent jamais la Bible. Ils cherchent la vérité dans la bouche des gens. Mais qu'est-ce qui te prouve que tu vas aller voir Matthieu? Est-ce que c'est Matthieu et Jésus? Matthieu, c'est un homme, lui aussi peut se tromper. Va voir dans la Bible. C'est la Bible qui est la vérité. Ce n'est pas la bouche de Matthieu que tu auras la vérité par rapport à ce que Paul a dit. Ça, c'est des chrétiens charnels. Les Bibles sont chez eux. Les Bibles sont toujours fermées. Ils la touchent que dimanche. Mais il a le temps pour le sport. Il a le temps pour aller jouer au foot avec ses amis. Et tu vas remarquer que tous ses potes du quartier sont des païens. Mais il est fort pour rapporter les choses de gauche à droite. Il est fort pour diviser les enfants de Dieu. Parce qu'il ramène les choses de gauche à droite là-bas. C'est le boulot. Ils sont charnels. L'apôtre Paul dit, on a résisté à ces faux frères-là. On n'a pas cédé. On résistait à ces faux-là. Ils voulaient imposer leur point de vue. Paul et les vrais enfants de Dieu ont dit, niet. On n'accepte pas. Vous n'êtes pas nés de nouveau. Vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Vous êtes charnel. On n'accepte pas votre volonté dans l'église. Et beaucoup d'hommes de Dieu ont aussi une responsabilité dans cette affaire. Je vais dire quoi? Je prends un exemple. Quelqu'un qui lit la Bible chez lui. Il y a un passage biblique, il l'a lu, mais il ne comprend pas. Est-ce qu'il peut appeler un frère, un aîné dans la foi ou un homme de Dieu? Oui. Quand ce genre de personne m'appelle, je prends mon cas. Je dis à la personne, frère, le Seigneur ne m'a pas encore révélé ce passage. Je vais prier. Si le Seigneur me dit quelque chose, je te rappellerai. Si tu vois que je ne t'appelle pas, c'est que je n'ai pas encore reçu la révélation. Parce que ce n'est pas parce que c'est écrit noir sur blanc que c'est forcément la révélation. Non. Nicodème avait les versets bibliques dans la tête. Nicodème était docteur de la loi. Il avait des versets dans sa tête, mais Nicodème n'avait pas la révélation. Entre ce qui est écrit noir sur blanc et la révélation, ce n'est pas la même chose. Mais vous avez certains hommes de Dieu ou certains frères et sœurs en Christ qui ont tendance de jouer les connaisseurs à tout. Ils ont la réponse à tout. Vous avez des sœurs comme ça, des frères comme ça. Ils ont la réponse à tout. Combien de fois les gens m'interpellent, frère, voilà la vision que j'ai eue hier. J'ai eu un rêve, j'ai eu une vision. Est-ce que tu peux me donner l'explication du bien-aimé? En ce qui concerne l'interprétation des songes et des rêves, je connais pour moi-même quand j'ai un rêve, je vais à genoux demander au Seigneur pour qu'il m'explique. Quand tu t'expliques, je ne connais pas, frère. Mais vous avez des gens qui jouent les connaisseurs. Ils ont la réponse à tout. Ils ne peuvent même pas dire à un enfant de Dieu, attends frère, il faut qu'on prie. Non! C'est pour eux, ils ont la révélation 24 heures sur 24. Nicodème avait les versets bibliques, mais Nicodème n'avait pas la révélation. Il connaissait ces versets bibliques, il connaissait la lettre, mais il n'avait pas la révélation des versets bibliques qu'il connaissait. Il connaissait les versets, mais il n'avait pas la révélation de ces versets. Et quand tu joues comme ça, quand ce faux enfant de Dieu, à chaque fois qu'il veut une réponse, au lieu d'aller chercher dans la Bible, comme les chrétiens de Béret, c'est vers toi qu'il court. Mais il ne va plus lire la Bible. Il ne va plus lire la Bible. Parce que toi, tu es devenu, tu es pour lui l'homme qui connaît tout, qui a les réponses à tout. Donc à chaque fois, il va courir vers toi. Il n'a plus besoin d'aller fouiller dans la Bible comme les chrétiens de Béret. Parce que toi, tu te présentes, tu te fais voir à lui comme l'élément qui a la réponse à tout. Pourquoi il va encore lire la Bible? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il aura une petite question, il court vers toi. Et ça, c'est pas bien. Il y a une dame qui m'a appelé tout dernièrement. Frère, voici mon problème. Qu'est-ce que tu penses? Je lui ai dit, va lire Romains chapitre 14. Quelques jours après, frère, j'ai lu tout Romain, mais je ne comprends pas. Prie le Seigneur, va lire Romain. Parce que je veux que les gens cherchent dans la Bible. Je ne veux pas être l'homme qui a les réponses à tout. Parce que si on fait ça, comment voulez-vous, vous ne pouvez plus encourager ces enfants à lire la Bible. C'est toi qui deviens l'homme qui a toutes les réponses, ou la femme qui a toutes les réponses. Pourquoi il va encore lire la Bible? J'ai vu en Picardie, un frère, il m'invitait parfois à aller prêcher dans son église. Un jour, alors que j'étais avec lui, à son salon, chez lui, on était au salon, quelqu'un cogne à la porte, l'enfant est allé ouvrir. Une dame rentre, pasteur, oh gloire à Dieu, moi je ne savais même pas que tu étais là à la maison. Voici le rêve que j'ai eu. La sœur a raconté de A à Z son rêve. J'étais là. Et puis le pasteur prend la parole. Oui, la forêt, ça veut dire comme ça. Comme tu es passé dans l'eau, l'eau veut dire comme ça. Le chien que tu as vu qui te poursuivait là, le chien, ça signifie comme ça. Si tu as vu les nuages, étaient comme ça. Quand les nuages sont comme ça, ça veut dire ça. Moi, j'étais là. Le gars là m'avait dit qu'il est pasteur. Donc maintenant, tu interprètes maintenant les songes et les rêves. Il ne faut jamais aller au-delà de ce que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a dit que tu as 5 cm de surface de terrain, il ne faut pas essayer d'aller plus. Il ne faut pas aller, essayer d'aller dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Dieu ne t'a pas appelé à ça. Il faut avoir l'humilité de dire, frère, sœur, vraiment, interprétation des rêves, ce n'est pas mon truc. Il n'y a pas de mal à ça. Jouons l'humilité. Mais vous avez des gens, le gars jouait. Et puis la femme est partie, oh, il a interprété ça comme il a interprété, il a fait tout un résumé. Un jour, alors que moi j'allais à la zone industrielle d'Amiens, je partais pour un entretien d'embauche, j'ai croisé un monsieur que je voyais dans son église. Un père de famille. Oh frère, j'ai traversé la route, je suis allé lui dire bonjour. Mais mon frère, moi je croyais que tu étais au pays puisque je ne te vois plus à l'église là-bas. Et l'homme là m'a dit, un père de famille m'a dit, je vais aller faire quoi? Un jour, j'ai été le voir. N'est-ce pas par rapport à mon problème que vous connaissez? Et le lendemain, il est venu me voir chez moi. Il m'a dit, Dieu m'a dit de venir te dire que ton problème là, voilà comment ça va se passer. Dieu m'a dit. Il dit, frère, ça a été tout le contraire de ce qu'il était venu me dire. Ce qui me touche, il avait dit, c'est Dieu qui lui a dit de venir me dire. Et puis le frère m'a dit, frère, est-ce que Dieu se trompe? Je lui ai dit, non. Ce qui veut dire que ça venait de lui-même. Et il est venu dire, Dieu m'a dit. Il me dit, mais je suis un adulte. Comment veux-tu que j'aille encore là-bas? Parce que quand il sera à l'estrade et dit, voilà ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, je ne peux plus croire. C'est pourquoi je suis à la maison. Je ne peux plus croire à ce qu'il dit. Quand il va dire, voilà, je lisais la Bible, le Saint-Esprit m'a dit, je ne peux plus croire. Bien-aimé, cela dit que parmi les enfants de Dieu, nous avons besoin de l'humilité. Il ne faut pas jouer sur celui qui a les réponses à tout. Non! Parce que ça ne va plus encourager les chrétiens à lire la Bible. Les chrétiens sauront que tu as les réponses à tout et à chaque fois, ils viendront vers toi. Mais le chrétien de Béré, il savait que celui qui a la réponse à tout, c'est la Bible. Le chrétien de Béré avait la Bible. Il savait que c'est la Bible qui a la réponse à tout. Le chrétien de Béré, il fouillait là-dedans. Il n'est pas allé voir Matthieu. Il n'est pas allé voir Jacques. N'est-ce pas? Il n'est pas allé voir frère Apollos, bonjour. Paul a dit ça hier, qu'est-ce que tu crois? Il n'a pas fait ça. Lui, Paul a dit, bon, Paul n'est pas la vérité. Moi, je cherche dans la Bible pour avoir la confirmation de ce qu'il dit là. Voilà un vrai enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu va dans la Bible pour savoir si ce que Paul a dit est vrai ou faux. Il ne va pas aller chercher la vérité de la bouche de Jacques ou de Luc. Il cherche la vérité là-dedans, dans la Bible. Trop de chrétiens charnels. Le Seigneur m'a dit, tu as les yeux que sur l'estrade, Satan envoie les faux. Oui, mais il envoie aussi dans l'assemblée. J'étais à genoux à 4 heures du matin en train de prier. Effectivement, c'est vrai, puisque Paul, dans Galates chapitre 2, en parle de ces faux frères qui se sont glissés parmi les enfants de Dieu. Ils sont à l'assemblée. Hein. La différence entre ceux-là et ceux qui se disent hommes de Dieu à l'estrade, c'est que ceux de l'estrade se disent, je suis le révérend bishop, je suis le général de Dieu, je suis le révérend prophète. Eux sont dans l'assemblée, on les appelle frères, sœurs. Mais eux aussi sont charnels, ils ne sont pas des vrais enfants de Dieu. Et leur mission dans l'église, c'est de mettre les enfants de Dieu en guerre les uns les autres. C'est pour semer des divisions, des critiques, des murmures. C'est leur boulot, parce qu'ils sont charnels. Leur spécialité, c'est de rapporter les choses de gauche à droite pour semer la zizanie entre les vrais enfants de Dieu. Satan les utilise pour ça. Et quand tu vas le voir au quartier, tu ne le verras jamais dans la Bible. Il ne lit pas la Bible. Si c'est un homme, il passe son temps à jouer au foot avec ses potes. Et tous ces potes-là sont des païens. Il ne leur prêche même pas l'évangile. Il a sa copine au quartier. Il ne connaît pas la sanctification. Il a sa copine. Si c'est une femme, elle a son copain. Elle a son copain. Son copain, elle est même païen. À la maison, elle regarde les films. Elle regarde les magazines de mode. Quelle est la nouvelle paire de chaussures? Quel est le style, la mode de maintenant? Elle cherche à se conformer selon le style, la mode. Son cœur est là-dedans. Mais sa Bible est fermée. Hein? Elle ne va la toucher que dimanche, quand elle va revenir au culte. Elles sont là. Quand elle vient se faire belle, il faut qu'on me voie bien habillée. Mais s'il entend un petit truc, il va rabâcher là-bas. Rabâcher. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils ne sont pas nés de nouveau. Paul était vigilant. Paul a dit, ah non, vous n'allez pas faire du boucan ici. Il dit, on leur a résisté. On n'a pas accepté qu'ils viennent faire leur salade au milieu de nous. Donc, bien aimé, il faudrait que nous soyons vigilants. Et ça, je le dis aux personnes qui font des vidéos ou aux personnes qui sont des hommes de Dieu ou bien des sœurs en Christ qui font des vidéos pour exhorter les gens. Attention, les faux frères sont dans l'assemblée. Les faux sœurs en Christ pour des trucs charnels. Et c'est eux qui sont responsables des divisions, des murmures, des critiques. Ils rapportent de gauche à droite. Ils ne sont pas nés de nouveau. Même s'il vient à l'église tous les dimanches, il n'est pas né de nouveau. Donc frère, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur alors que je priais ce matin. C'est pourquoi j'en parle. Et toutes les personnes qui sont venues vers moi. Bien-aimé, Georges Nama, je te connais parce que Georges avait publié ta vidéo. Et Georges avait dit un truc, moi je ne suis pas d'accord là. Hein, frère, qu'est-ce que... Et puis la personne me raconte, qu'est-ce que tu penses? Je lui ai dit, et les personnes là m'entendent, puisque elles vont sûrement écouter cette vidéo, je leur dis, demandez à Georges de vous donner la référence biblique Et vous allez chercher dans la Bible comme les chrétiens de Béret. C'est comme ça que moi je renvoie les gens, toutes les personnes qui sont venues vers moi. Madame Seka a dit un truc dans sa vidéo. Voilà, la personne me raconte, qu'est-ce que tu penses? Je dis, mais il faut aller demander à Madame Seka. Il faut aller demander à Madame Seka, c'est pas moi. Moi je veux que les gens lisent la Bible. Moi je veux que les gens aillent chercher la vérité dans la Bible, pas dans la bouche des gens. La vérité c'est pas dans la bouche des gens, c'est la Bible qui est la vérité. C'est la Bible. C'est la Bible. Et si vous vous jouez le rôle de celui qui a les réponses à tout, ces chrétiens charnels n'auront plus envie de lire la Bible. Parce qu'à chaque fois qu'ils auront un point d'interrogation dans leur tête, ils viendront vers toi. Parce que pour eux, tu as les réponses à tout. Mais moi, j'invite les gens à aller dans la Bible. La femme qui m'a appelé tout dernièrement, je lui ai dit, va lire ta question à une réponse dans Romains 14. Ça ne fait même pas deux jours. La question que tu me poses, la réponse se trouve dans Romains 14. Va lire tout le chapitre. Elle est revenue, frère, je n'ai pas compris, j'ai lu tout. Je dis, prie le Seigneur, va lire la question que tu m'as posée à la réponse là-dedans. Gloire à Dieu. Maintenant, est-ce qu'un nouveau converti qui lit la Bible peut s'approcher d'un frère, un aîné dans la foi, s'il a des ennuis, s'il ne comprend pas un passage biblique? Oui! C'est normal. Mais il faudrait que s'il vient vers toi, si tu sais que Dieu ne t'a jamais vraiment révélé ce qui est dit là, c'est pas la peine de lui donner la lettre. C'est pas la peine de lui donner la lettre parce que la lettre n'est pas la vérité. Moi je dis, les gens qui viennent vers moi, ils m'entendent, ils entendent ce que je suis en train de dire. Moi je leur dis, bien aimé, je vais prier. Si j'ai la réponse, je t'appelle. Je ne veux pas jouer le connaisseur. Je ne veux pas jouer celui qui a la réponse à tout. Nicodème connaissait ce qui est écrit noir sur blanc. Mais Nicodème n'avait pas la révélation de ce qui est écrit. Il ne l'avait pas. Mais il avait la connaissance des versets. Mais il n'avait pas la révélation. Je rends grâce à Dieu. Parce que je ne veux plus dénoncer qu'à l'estrade. Je veux aussi de temps en temps rentrer dans l'assemblée pour mettre à nu les faux frères, comme Paul l'a fait. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse.